toi, tu ne me mérites pas. Avant que mon heure sonne, casse-toi et n'embête plus personne. Je ne veux plus de toi. Casse-toi, tu ne me mérites pas. Avant que mon heure sonne, casse-toi et n'embête plus. Je ne veux plus de toi. Casse-toi, tu ne me mérites pas. Avant que mon heure sonne, casse-toi.